Nous accueillons maintenant donc en studio Jean-François Laniel et Serge Miville, respectivement rédacteurs en chef du journal La Relève et membres du comité de rédaction. Un projet de journal qui se concrétise finalement après plusieurs mois de préparation. Vous en récoltez d'ailleurs présentement les éloges depuis la publication du premier numéro qui connaît un franc succès. La Relève donc, journal étudiant francophone et pan-canadien. C'est un projet qui est d'autant plus sérieux puisque je pense que vous avez accumulé jusqu'à maintenant les appuis moraux et financiers nécessaires dans cette aventure. Oui, tout à fait. On a obtenu l'appui moral de Patrimoine Canada, qui nous a donné près du tiers de notre budget. Ils ont vu que c'était une belle occasion de mousser, d'encourager la discussion entre francophones au Canada, surtout auprès de sa jeunesse, parce que c'était le volet communautaire et jeunesse. On a aussi l'appui de l'AUFC, qui est l'Association des universités francophones du Canada, appui moral du CIRSEM, ici à l'Université d'Ottawa, qui s'intéresse à la question des minorités au Canada, et aussi du CRCCF. Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française à l'Université d'Ottawa. Jean-François et Serge, vous êtes en quelque sorte les initiateurs du projet, si on peut dire. Avec Catherine Les Tourneaux, oui, étudiante à la maîtrise ici à l'Université d'Ottawa en sociologie. Et vous êtes tous des étudiants à la maîtrise, soulignons-le. Tout à fait. Parlez-nous donc un peu de la vision globale du journal, de son contenu et surtout de ses intentions premières, puisque c'est ce qui importe. Tout est parti d'un premier constat. Un constat, je l'ai dit plutôt cette semaine lors du lancement du journal, un constat de rareté, un constat de manque. Un manque quant au lieu de discussion entre francophones au Canada, surtout auprès de sa jeunesse. Alors si on sait bien l'importance des journaux pour une communauté, parce que ça offre un des rares lieux où des gens peuvent discuter d'une même thématique, s'exprimer, se rendre compte qu'ils partagent des points de vue avec d'autres personnes, et surtout un lieu donc où ils peuvent réfléchir à une forme d'action collective, à une forme de projet collectif. Alors en francophonie canadienne, il n'y avait rien de tout cela. S'il y a des journaux au niveau locaux, municipaux, provinciaux, il n'y a aucun équivalent au niveau national. C'est pour contribuer à pallier ce manque-là qu'on a fondé le journal La Relève. Qui correspond aussi, en fait, vous intégrez aussi un facteur générationnel dans votre démarche? Facteur générationnel, à ne pas confondre avec une rupture générationnelle. On s'est fait reprocher cette épithète. C'est pas le cas. Alors, c'est à la fois une continuité. On veut reprendre la question nationale que les générations avant nous ont porté. Alors, autrement dit, comment assurer la pérennité de la francophonie canadienne au Canada? C'est le questionnement. On n'est pas la première génération à se poser la question, mais après d'autres, on est celle qui prend le relais avec ce que la francophonie canadienne a de contemporain, a de particulier dans ses défis. Alors, rupture dans la seule mesure où c'est une nouvelle génération qui prend le flambeau, mais essentiellement continuité parce que c'est la même question, le même espoir que l'on porte. Vous parlez donc justement d'espoir et ça correspond ou ça renvoie à un passé qui n'est pas, comment dire, particulièrement reluisant pour la francophonie canadienne. La plupart des gens, en fait, ne se doutent pas que l'histoire de la francophonie canadienne, c'est aussi une histoire de fragmentation, une histoire de relations troubles avec l'identité territorialisée au Québec. Oui, mais faut aussi savoir ou tenir compte du fait que c'est une histoire de déchirure ou de l'éclatement du Canada français. C'est une histoire quand même récente, relativement récente. Il existait un projet de société canadien-français, mon Dieu, pendant plus de 100 ans au moins. Et puis, je crois qu'on réalise qu'il existe encore des vestiges, ça, au moins une intention derrière aujourd'hui qui découle de tout ça. Donc, c'est pas nécessaire. Vous voyez, plusieurs personnes posent la question de la rupture. Nous autres, on cherche un peu voir la continuité par rapport à cette... pas nécessairement par rapport, mais voir... c'est-à-dire que, oui, il y a une rupture, en quelque sorte, dans les institutions et tout ça, mais en quelque sorte, que reste-t-il? Jean-François, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, j'ajouterais quelque chose. Alors, pour nos auditeurs qui sont peut-être pas très familiers avec l'idée de l'éclatement de la francophonie canadienne ou du Canada français, c'est que pendant au moins une bonne centaine d'années, c'est-à-dire depuis 1838 à 1960, il y a eu ce qu'on a appelé le Canada français, qui s'étalait de l'Acadie à l'ouest du Canada, qui était un Canada français essentiellement catholique, qui se distinguait par son trait catholique et français, les deux allaient de pair, et qui était encadré par des institutions qui assuraient une forme d'homogénéité culturelle au sein de la francophonie canadienne. Je parle bien sûr des institutions cléricales catholiques. Alors, une francophonie canadienne forme d'homogénéité culturelle, des projets politiques communs et convergents. C'est pour ça qu'on parle au Canada notamment de peuple fondateur. Le peuple fondateur de la francophonie canadienne ne se situe pas seulement au Québec, mais dans toute la francophonie canadienne. Et s'il y a eu divergence autour des États généraux de 1967 et 1969, c'est que faire dans les sociétés contemporaines lorsqu'on veut doter une nation d'un État? Que faire quand cette nation-là se trouve éparpillée sur tout un grand territoire? Comment réussir à bâtir un État qui regrouperait toute cette population-là? Alors évidemment, là, c'est très important, c'est la théorie classique de l'État-nation, d'avoir un territoire bien délimité, avec une population bien délimitée, relativement homogène, et un État qui le représente. Est-ce qu'il y a donc volonté avec ce journal de réactualiser un questionnement sur le Canada français, ou carrément d'un projet, en fait, pour le Canada français? La prétention, c'est que ce projet-là n'est jamais tout à fait disparu. La seule particularité contemporaine, c'est qu'il ne se déclinerait plus de manière unitaire, mais sous une multiplicité de francophonies provinciales. Mais cette intention, pour reprendre les mots de Joseph-Yvon Thériault, sociologue acadien, c'est de faire société, c'est-à-dire de réussir à construire une nation en terre d'Amérique, au Canada, qui puisse assurer la pérennité de la francophonie canadienne, qui puisse y inclure la diversité. Alors, intention, oui, d'assurer la pérennité de la francophonie canadienne, ce que partagent toutes les francophonies provinciales. Si elles le faisaient de concert, peut-être que ça irait mieux. Et en quelque sorte, le journal donne un outil pour pouvoir aider les gens qui s'y intéressent à communiquer entre eux. À quelque part, on est en train d'en finir avec des frontières qui délimitent une telle francophonie. C'est-à-dire, on est franco-ontarien, on s'intéresse à l'Ontario français et seulement ce qui est ontarien. Mais là, on s'intéresse à un peu tout ce qui est francophonie canadienne. Donc, ça permet ce dialogue-là. Et le Québec, dans tout ça, qui pendant tellement longtemps a eu des relations relativement rompues avec ses confrères hors Québec. Quelle place est-ce que le Québec va occuper dans votre politique éditoriale ou dans vos angles de rédaction? Vous savez, récemment, Benoît Pelletier, qui était l'ancien ministre québécois, si je ne m'abuse, j'ai peut-être pas le bon titre, mais affaires intergouvernementales, est-ce que ce serait intergouvernementales et autochtones aussi. Intergouvernementales et autochtones, bon, récemment, disait que le Québec reviendrait sur la scène, sinon du Canada, du moins de l'Amérique francophone. Autrement dit, le Québec allait recommencer à promouvoir le français. Bon, ben là, dans cette perspective-là, il est bien entendu que les francophones hors Québec au Canada ont une place de choix dans ces nouvelles ambitions du Québec. Ambitions qui sont en fait pas très nouvelles, comme on le dit, mais qui, si on voulait faire la genèse et la filiation, remontent au Canada français. Alors, le Québec est un acteur très important de la francophonie canadienne, qui offre évidemment un bassin démographique qui lui permet d'avoir de forts leviers politiques, d'avoir une production culturelle très riche pour la francophonie canadienne. Vous parlez donc tout à l'heure d'une génération de francophones qui n'ont pas connu les envolées nationales du Canada français et de la francophonie canadienne. Donc un journal qui s'adresse en partie aux héritiers d'une question nationale, justement sur la jeunesse. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui que la jeunesse francophone, comme groupe constituant qui est bien distinct, que vous sollicitez, était éminemment plus active et plus engagée à une certaine époque où la jeunesse n'était pas reconnue comme un groupe distinct? Donc, et vous le soulignez d'ailleurs dans votre éditorial, vous souhaitez un peu raviver les troupes. Oui, on espère que la jeunesse se trouve sensibilisée au projet qui a été le sien à d'autres époques. Vous voyez, pourquoi est-ce que maintenant la jeunesse serait moins intéressée à la francophonie canadienne? Ben, j'ai pas la réponse définitive à la question, parce qu'il y en a plusieurs qui pourraient vous dire que c'est le politique en général qui est moins intéressant à notre époque, que les jeunes sont plus tournés vers l'international. Bon, toutes ces réponses sont sûrement vraies, mais vraies en partie seulement. Je discutais avec mon frère de la francophonie canadienne il y a quelques semaines, puis il me disait, bon, j'ai lu tes articles, c'est bien intéressant, mais quand tu parlais de franco-ontarien, je savais pas trop à quoi ça renvoyait. Faut dire, si je ne m'abuse, que la francophonie canadienne, le drapeau, l'hymne national, tout ça, c'est né en 1975, si je m'abuse. C'est bien la date. Pour le drapeau canadien, c'est... Pardon, franco-ontarien. Franco-ontarien, oui, absolument, absolument. C'est ça. Absolument. Alors, vous voyez, c'est une identité à prétention nationale dans une province qui est très, très, très récente et donc qui est très peu chargée d'histoire, peut-être. Si je discute avec mon frère de la francophonie canadienne, en général, si je lui parle des grands faits historiques de la francophonie canadienne, ça l'intéresse. Si je lui parle d'une francophonie ontarienne qui est née en 1975, entre vous et moi, ça devient très difficile à définir. Alors, bien sûr, il y a des événements francophones en terre ontarienne, mais est-ce qu'ils doivent être mis en relation avec les autres événements francophones au Canada? Et est-ce que ça ne contribuerait pas à élargir les perspectives, à sensibiliser davantage les gens, parce que là, ils vont être en contact avec une histoire beaucoup plus riche et surtout beaucoup plus explicative du présent. Oui, Serge, je voulais rajouter quelque chose. C'est que si on la question sur les jeunes et tout ça, si on n'a pas vécu une déchirure ou quoi que ce soit, si on n'a pas vécu le Canada français proprement dit, a priori, quand même, ils savent, du moins, les Acadiens savent que Montréal, c'est la métropole québécoise. Ils savent, par exemple, les gens d'Ottawa qui existent une francophonie ailleurs et tout ça. Donc, il y a tout cet aspect-là qui existe et puis qu'on essaie de donner comme l'outil de communication pour que ces gens-là puissent se rencontrer. Donc, s'ils savent pas, s'ils l'ont pas vécu, ils savent néanmoins qu'il y a quelque chose. Mais donc, le rapport de cette jeunesse avec la notion de francophonie canadienne, il est changé comment, ou il se concrétise comment, si cette jeunesse-là n'a pas justement pu vivre ou connaître le projet canadien-français? Ben là, idéalement, c'est de leur rappeler l'histoire du Canada français et surtout lui rappeler sa pertinence contemporaine. Pertinence contemporaine parce que le Canada admet toujours qu'il y a deux peuples fondateurs. C'est logé plus ou moins dans la Constitution. Et donc là, c'est deux peuples fondateurs. S'il y en a un de ces deux peuples fondateurs-là qui discute bien, par exemple, on sait que les journaux, il y a des hebdomadaires canadiens-anglais qui font le tour du Canada, bien, la francophonie canadienne, l'autre peuple fondateur, discute très peu. Alors, c'est d'amener cette jeunesse-là à se remémorer le Canada français, en réapprendre la pertinence et le faire concrètement, c'est-à-dire en dialoguant effectivement avec les francophones des autres provinces. Dans cet ordre d'idées, ce sont quatre grandes questions qui seront traitées dans vos quatre numéros annuels. Alors, dites-moi quelles seront ces grandes questions et qui présideront à une synthèse annuelle, j'imagine aussi. Hein? Vous avez bien compris l'intention. C'est une première année qui veut poser les jalons d'une discussion qui a impliqué à notre avis de le faire essentiellement en quatre temps. On commence donc avec un constat, on commence avec un diagnostic, on commence avec un bilan de la situation. Quelle est la francophonie canadienne actuelle? C'est ce que vous retrouverez dans le premier numéro qui traite de thématiques aussi vastes que l'identité bilingue, ses apories, le bilinguisme officiel, le Canada français ou la francophonie canadienne en chiffres. Donc, un premier numéro qui s'intéresse à un bilan. Quelle est notre francophonie contemporaine? Va-t-elle bien? Va-t-elle mal? Un second numéro qui s'intéresse ensuite à voir, se pose la question, a-t-il déjà existé une autre francophonie canadienne que celle que nous connaissons aujourd'hui? Autrement dit, l'espèce de recul historique qui nous permet de mesurer la nouveauté ou non de notre situation contemporaine. Un troisième numéro ensuite qui s'intéresse au déterminisme qui pèse sur la francophonie actuelle. Autrement dit, quels sont ses plus grands défis? Qu'est-ce qui l'empêche de réfléchir à autre chose? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer sur d'autres terrains? Et enfin, un quatrième numéro, un peu plus utopique, un peu plus proche du projet politique, où là, on s'intéresse à, mais quel est l'avenir de la francophonie canadienne, ou plutôt, quel avenir pour quelle francophonie canadienne? Et cette structure-là se veut-elle un futur manifeste, peut-être, ou un futur programme, je ne sais dire? Ce serait beaucoup trop ambitieux. Non, disons plutôt que ça nous permet de poser ou de réfléchir aux grandes dimensions de la francophonie canadienne, mais effectivement avec une cohérence d'ensemble. Un manifeste, non, ce serait beaucoup plus polémique, ce serait beaucoup plus critique, ce serait beaucoup plus surtout programmatique. Et là, on est bien loin du programme, on entame seulement une réflexion. On entame une réflexion. Voilà, on est loin du programme qui se serait idéologisé, comme ce serait le cas dans un manifeste. Pour faire écho à ce que vous venez de dire sur les intentions du journal, son rôle, comment est-ce que justement un journal, ou plutôt plus largement la presse, peut représenter selon vous encore aujourd'hui un moyen de concertation, de cohésion ou de solidarisation efficace avec l'explosion des moyens de télécommunication et les conséquences qui en découlent aujourd'hui? Comment est-ce que vous entrevoyez l'impact, le rayonnement que peut générer une publication comme celle-là? Peut-être que Serge, vous pouvez répondre à cette question-là. Oui, ben bon, premièrement, le journal est physique, donc forcément, on peut le prendre et le manipuler. Déjà là, ça donne une identité. Le contenu est très sérieux, donc ça donne la rigueur donne en quelque sorte, le médium et le message aussi, là. Donc, à quelque part, ça donne, on peut mousser un sentiment d'appartenance à tout ça. En plus de ça, on incite les gens à y participer. Donc, déjà là, on sollicite les curieux. On sollicite les gens de plusieurs façons, c'est-à-dire si vous voulez écrire un petit truc de 100 mots pour dire que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord ou quoi que ce soit, on encourage les gens à participer. On est aussi sur Internet, par exemple, pour entamer d'autres discussions, d'autres moyens. On exploite toutes les façades. On n'est pas en train de créer une petite feuille pour s'amuser entre une petite clique. Là. On a vraiment l'intention d'aller partout, sur tous les moyens, toutes les plateformes pour donner une tribune aux gens qui s'intéressent. Donc, je crois que le moyen journal, c'était le papier, c'était le physique, le médium physique qu'on devait exploiter. Et puis ensuite, il y a tous les autres moyens techniques nécessaires pour être capable de créer un envol sur un projet de la sorte. Jean-François? Oui, ben j'aurais peut-être une citation très rapide de Tocqueville qui résume très très bien notre propos. Oui. Tocqueville qui s'intéressait à la démocratie en Amérique, oui. Donc bon, aux journaux en contexte démocratique, c'est il n'y a qu'un journal qui puisse venir déposer au même moment dans 1000 esprits la même pensée. Alors, il faut amener les gens à réfléchir. Il y a peu de moyens de communication qui, comme le journal, peuvent être lus tous les matins par tout le monde. Et là, tout le monde en même temps lit la même chose, se confronte aux mêmes réflexions, doit réfléchir à la même thématique. Et se sensibilise aux mêmes propos. Le journal est directement dans l'espace public. Le médium Internet, par exemple, parce que c'est souvent son compétiteur, nous dit-on, ben, Internet, c'est pour des gens qui peut-être connaissent déjà le journal. Autrement dit, il n'envahit pas la place publique. Il est à la fois public et privé. Le journal, au contraire, est directement, explicitement, visiblement dans l'espace public. Il interpelle. Vous avez parlé tantôt du fait qu'il y avait un manque et qui justifiait finalement la pertinence d'avoir ce journal. Reste que il y a une littérature académique canadienne-française qui existe déjà. Pensons à l'Action nationale, à Men's, à la Revue du Nouvel Ontario, donc des revues, des publications qui réfléchissent et qui dissertent sur des questions similaires. Est-ce que vous avez entamé des relations, ou est-ce que vous avez créé des ponts avec ces autres revues, ou comment est-ce que vous prévoyez vous distinguer finalement de cette littérature qui existe à l'heure actuelle? C'est une très bonne idée. On devrait effectivement les contacter s'ils nous écoutent. Ça serait une bonne idée qu'ils nous approchent. Mais oui, on va tisser des liens avec eux. Si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez lu les articles dans le premier numéro, mais un d'entre eux faisait une espèce de comparaison entre les écrits de divers intellectuels provincialement ancrés. Effectivement, ce dont on se rendait compte, c'est qu'ils ont beaucoup en commun. Leurs diagnostics sont très, très, très semblables. Alors nous, au journal, on va s'intéresser évidemment à reprendre les écrits des penseurs, des intellectuels canadiens-français dans les diverses provinces, mais on va les intégrer à une perspective qui est proprement pan-canadienne, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, La Relève, le journal des étudiants de la francophonie canadienne, si on veut y contribuer, ou justement si on veut faire valoir nos idées, comment est-ce qu'on procède et quelles en seront les conséquences, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que nos idées seront publiées à travers le pays? Bon, mais c'est clair qu'on a un courriel qui est journal.larelève@gmail.com. Il y a aussi le site internet qui est journallarelève.com ou .ca. Pour participer, il va y avoir un envoi d'appel aux communications très bientôt pour le prochain numéro. Qui porte sur une autre francophonie canadienne qui existait. Donc ça, on va solliciter les gens. Sur Internet, on peut publier des commentaires sur les articles, donc directement, soit poser des questions ou faire des remarques. Il y a aussi un forum qui sera intégré selon l'intérêt des gens pour écrire des courtes lettres, parce que c'est pas tout le monde qui veut nécessairement écrire 1500 mots sur une question et entamer le processus. Donc il y a toujours cette voie-là. Pour ceux qui veulent absolument poser une réflexion, mais c'est clair qu'on rentre en contact avec notre cher rédacteur en chef et pour proposer l'article après l'appel aux communications. Et puis ensuite, il y a tout un procédé de rédaction, de plan, de correction, de critique et tout ça. Donc, il y a plusieurs moyens là, d'y participer. Et concrètement, vous faisiez allusion à ça aussi. Ben, c'est 13 000 exemplaires. Alors, c'est ça. 4 éditions, 4 numéros par année, et dans 14 campus universitaires et collégiaux du Canada, de l'Alberta à la Nouvelle-Écosse. C'est quand même assez, assez impressionnant, hein, comme réseau de distribution. Pour un journal étudiant, du moins, c'est phénoménal. Bien humblement, il n'y a pas d'équivalent pour le moment. On aimerait bien que d'autres acteurs se joignent à nous. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances dans votre projet. Merci beaucoup, Jean-François Laniel, rédacteur en chef de La Relève, et Serge Miville, membre du comité de rédaction. C'est moi qui vous remercie, François-Olivier Lorraine. Merci beaucoup.